Ndaïkeza. Eric Adogo assure la mise en onde. Bonjour et bienvenue à cette grande édition dont voici d'abord la charpente. En politique, la délégation de la facilitation dans le conflit burundais a déjà commencé ce vendredi des entretiens avec différentes personnalités. Charles Makoto est en train de suivre de près ces entretiens. Nous allons l'appeler au début de ce journal. Le changement des prix du ticket de transport des bus n'est pas respecté dans certains quartiers périphériques de la capitale, ce qui cause un mécontentement chez les usagers de ces bus qui demandent le respect de ces prix. Les sénateurs burundais souhaitent qu'une école de journalisme puisse voir le jour au Burundi en vue de faciliter le travail des professionnels des médias. Ils l'ont dit ce jeudi lors de l'analyse du projet de loi sur la presse. Et dans les dernières minutes de ce journal, vous aurez droit à la chronique environnement qui va nous parler de certaines espèces végétales en disparition au Burundi. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore et commençons par la politique. La délégation de la facilitation dans le conflit burundais s'entretient avec les représentants du corps diplomatique ce vendredi à l'hôtel San Safari Club de Bujumbura. Il était prévu que la même délégation rencontre les représentants du parti CNDD-FDD au pouvoir à 9h, mais la rencontre n'a pas eu lieu car ils ont été en retard. Toutefois, une équipe de 4 membres du parti présidentiel sont arrivés et à la tête de laquelle le vice-président de ce parti, le député Joseph Nakarutimana. Charles Makoto est en ligne. Bonjour Charles. Bonjour Alida Ndaïkeza. Vous allez très bien? Oui, très bien, merci, ça va. Juste pour dire que la délégation du parti CNDD-FDD vient tout de suite de terminer sa rencontre avec la facilitation, l'équipe du facilitateur Benjamin Mkapa, à la tête duquel le porte-parole du facilitateur. Nous avons voulu savoir, Alida, juste pour savoir qu'est-ce qui se passe actuellement avec le dit rencontre, mais la facilitation n'a pas voulu s'exprimer sur cette question. Cette rencontre, c'est avec l'équipe du CNDD-FDD, conduit, comme vous le disiez, par l'honorable Joseph Nakartimana, vice-président de ce parti. Ce qu'il faudra noter également, Alida, c'est que tout de suite, il y a l'équipe de Amis de l'Abarundi, conduit par l'honorable Agasto Gwasa, qui vient d'arriver et qui va de son tour s'entretenir avec la facilitation. Ça sera à 14h. Quelque chose, Alida, qu'il faut noter, un nouveau développement qu'il faut noter, c'est que le parti Frodebou, qui dernièrement avait dit qu'il n'était pas au courant de cette rencontre, et nous venons de voir le président du parti qui vient d'arriver à l'instant même où nous parlons. Dans l'après-midi, ça sera la rencontre avec ceux de Damiseria Barundi seulement? Il est prévu qu'à 14h, ça sera la rencontre avec l'honorable Agato Gwasa et l'opposition intérieure. À 16h, ça sera le tour du président Ivan Nganya. C'est ce qui est prévu sur le programme. Mmh. Merci Makoto, continuez de suivre pour nous ces entretiens. Continuons ce journal en parlant transport. Certains habitants des quartiers périphériques de la ville de Bujumbura s'inquiètent que les prix reconnus du ticket de transport par bus ne sont pas respectés. Ils disent ne pas comprendre pourquoi ils sont contraints d'ajouter 50 francs burundais aux anciens tarifs alors que le gouvernement a majoré ces tarifs de 5% qui équivaut à 20 francs pour ceux qui payaient 400 francs et 25 francs burundais pour ceux qui payait 500 francs burundais. Ses habitants demandent que ces tarifs soient clarifiés. Reportage signé Gertrude Maonayo. C'est au parking de bus là vers le nord de la ville de Bujumbura. Les passagers qui vont dans le quartier Mirangorompwe ne s'entendent pas avec les chargeurs de sécurité sur les files d'attente de bus en ce qui concerne le prix de transport par bus. Un des passagers leur explique que le gouvernement a majoré de 5% les tarifs anciens pour les quartiers périphériques de la ville de Bujumbura, ce qui veut dire qu'il ajoute 20 francs bou au lieu de 50 francs bou sur les 400 francs bou qu'il payait avant la montée du prix de transport par bus. Le chargé de la sécurité sur la chaîne lui répond de chercher son propre bus et qu'il n'entrait pas à moins qu'il accepte de payer les 450 francs bou exigés. Ce jeune garçon rencontré sur la file d'attente affirme qu'un jour, les passagers qui avaient refusé de payer les 450 francs ont été ramenés à l'endroit de départ alors qu'ils étaient déjà arrivés dans leur quartier. Maintenant, au quartier Mirango rond-point, nous payons 450 francs bou, que ce soit pour aller, que ce soit pour retour. Avant, on payait 400 francs bou, mais on ne comprend pas pourquoi le prix a augmenté. Malgré la montée du prix du carburant, 50 francs bou de plus sur le prix du bus, c'est beaucoup d'argent. Avant, c'était 20 francs qui étaient ajoutés, mais 50 francs, c'est difficile. Le gouvernement devrait prendre des mesures qui s'imposent pour faire respecter le prix reconnu. Hier, il y avait une mésentente ici. Les passagers disaient qu'ils vont ajouter 25 francs, alors que les chauffeurs disaient que c'est 50 francs. Vous comprenez qu'il y a un problème. Cette femme, quant à elle, les prix reconnus devraient être précis pour éviter le désordre. Comme le prix de transport a été revu à la hausse, nous voulons savoir la vraie somme ajoutée au ticket de bus pour éviter le désordre. C'est au moment où le communiqué conjoint du ministère du Commerce, du ministère des Transports, du ministère de l'Énergie et des Mines et des représentants des transporteurs rendu public le 9 août précise que les tarifs des quartiers périphériques de la ville de Bujumbura sont majorés de 5%, ce qui signifie ajouter 20 francs pour ceux qui payaient 400 francs avant la hausse du prix et 25 francs pour ceux qui payaient 500 francs bou. La radio de l'avenir. Page droit de l'homme à présent. Une femme connue sous le nom d'Ndiku Managoret vient de passer plus de 2 semaines au cachot de la commune Nyabitsinda dans la province de Ruyigi. Honorable Pascal Bizumuremi de la coalition Miseruya Barundi, élu dans la circonscription de Ruyigi, déplore cette lenteur de la justice dans le traitement de ce dossier et parle des mobiles politiques. Ce député dénonce également les chefs d'accusation qui pèsent contre cette femme, comme quoi elle aurait incité la population à ne pas contribuer pour les élections de 2020, les qualifiant de montage. Écoutez l'honorable Pascal Bizumuremi au micro d'Ornella Mucho. Après le référendum, il y avait quand même des complots et montages envers les fidèles d'Agaton Gwasa de Miseruya Barundi. En cas typique, c'est le cas de Nyabitsinda là où il y a une dame qui répond au nom de Ndiku Managoret qui a été appréhendée et jusqu'à maintenant qui se trouve en détention de la commune de Ruyigi. Malheureusement, elle vient de passer à peu près la moitié de mois sans être quand même interrogée par la justice. Elle est emprisonnée d'une façon injuste. Et retournons en arrière, tout en disant que cette dame vraiment est emprisonnée à cause des complots et montages. Autrement dit, je peux dire que ce sont des conflits politiques qui la poussent d'être emprisonnée. Alors, sera vraiment dans un pays là où il y a des lois, je penserais que ça ne pourrait pas quand même exister. Raison pour laquelle nous demanderions aux autorités de la justice de libérer quand même, n'est-ce pas ça, cette dame, parce qu'elle est en train d'être emprisonnée par des complots et montages. Nous avons contacté à ce sujet l'administrateur communal Marceline Wukuru, mais elle s'est gardée de tout commentaire. Le PG Alfred, en charge de ce dossier, n'a pas voulu non plus répondre à nos questions après avoir décroché son téléphone. Droits de l'homme encore, 10 jeunes originaires de la commune Butagandro en province Ruyigi ont été arrêtés par la police de Gitega ce jeudi. Ces jeunes étaient à la recherche de la carte CPGL au bureau du guichet unique de Gitega. Le commissaire provincial de la police à Gitega indique que les enquêtes sont en cours pour savoir leur destination ainsi que l'objet de leur voyage. Arthur Kavavushi. Ces jeunes qui sont au nombre de 10 sont originaires de la commune de Butagandro en province d'Ouyigi. Des sources sûres indiquent qu'ils ont été appréhendés par la police de Gitega ce jeudi au siège du bureau du guichet unique de Gitega. Nos sources disent que là-bas, ces jeunes cherchaient la carte CPGL donnant autorisation de circuler dans les pays des Grands Lacs. Cependant, ils n'ont pas eu cette carte car ils ont été conduits au cachot du commissariat de police à Gitega où ils ont passé leur première nuit. Hakizimana Melchior, commissaire provincial de la police à Gitega, affirme cette information. Il a en outre fait savoir que des enquêtes sont en cours pour savoir dans quel pays ils voulaient aller, mais aussi l'objet de leur voyage. Mais ce commissaire provincial de la police à Gitega souligne qu'au cas où il s'avère que leurs intentions ne soient pas bonnes, la carte CPG leur sera refusée et ils seront traduits devant la justice. Mais au cas contraire, ils seront relâchés, puis recevront la carte CPG pour pouvoir continuer leur voyage. Arthur Kavavushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Kavavushi. Et parlons agriculture. Les préoccupations des caféiculteurs de la province Ngozi qui ont acheminé leur production caféicole à la Sogester Ngozi, mais qui ne sont pas encore payés, sont connues de l'autorité de régulation de la filière café ARFIC. Le directeur général de l'ARFIC les tranquillise. L'ingénieur Emmanuel Niyungeko ajoute également que le prix de 1600 francs burundais le kilo fixé a été fixé dans l'intérêt du caféiculteur. Suivez-le. La réglementation de cette campagne en matière de collecte de la cerise avait bien signalé que tout le café cerise devrait être acheminé au niveau des stations de lavage. Alors, techniquement, nous avons constaté qu'il y a eu des cerises qui ont été prématurées et d'autres cerises qui ont mûri de façon tardive. Alors, ce sont ces cas extrêmes que nous avons pu gérer, bien sûr, dans le cadre de faire à ce que les caféiculteurs qui avaient collecté ces cafés ne perdent pas en totalité. Alors, vu la valeur de ce café, ce prix vraiment est motivant, surtout que ce café appartient d'abord au caféiculteur, mais doit être transformé au niveau des usines de départage, mais aussi doivent être exportés. C'est-à-dire, c'est un prix équilibré à voir les différents paramètres qui interviennent dans la production de ce café. La problématique de paiement des caféiculteurs qui ont apporté les services de la Sogestar Ngozi nous est connue depuis des jours. Nous avons essayé de contacter tous les acteurs dans la filière de façon que la question a été soumise au niveau des autorités supérieures. À l'heure où je vous parle, on est en train de voir comment mener des consultations afin de donner un issue favorable à ces populations. Surtout que c'est le moment, bien sûr, où la population, les caféiculteurs doivent payer les avances pour les engrais chimiques, doivent payer les frais d'escolaires d'ici peu. C'est-à-dire c'est une question qui nous hante, qui doit trouver solution dans les prochains jours. Nous demandons à la population concernée de ne pas se désespérer, plutôt de rester calme et avoir confiance en leur gouvernement. C'était Emmanuel Niyungeko, directeur général de l'ARFIC. Agriculture encore, mais dans la province d'Ngozi, où il y a eu apparition d'un insecte qui attaque les feuilles de manioc et qui sème la panique au sein de la population. Selon cette dernière, cet insecte tue celui qui consomme les feuilles de manioc déjà atteintes. Les agronomes communaux concernés parlent de rumeurs au moment où le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage envisage en parler au médecin provincial afin de savoir si ces rumeurs sont fondées ou pas. Apollinaire Muzagara. Les habitants des communes Nyamurenza, Tangara et Kiremba, où cet insecte qui semble un visage humain a déjà fait son apparition, sont dans l'embarras. Selon eux, celui qui consomme les légumes dit Isombe, des manioc déjà attaqués, rend son âme. Pourtant, lorsqu'on demande l'identification d'une personne déjà emportée par ces légumes, la réponse ne vient pas, d'où les agronomes de ces communes concernées parlent de rumeurs. Toute personne décédée actuellement sur telle ou telle colline suite à une quelconque maladie est victime de cet insecte, déplorent ces agronomes. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, Jean Ngozi, ne veut pas en dire beaucoup quant aux propos qui disent que cet insecte cause ou pas la mort. Pour Lazare Sagouye, cela est du ressort des services techniques habilités, d'où il envisage de rencontrer le médecin provincial de la santé pour lever les équivoques. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Continuons avec ce journal. L'octroi de la carte de presse facilitera les professionnels des médias dans l'accomplissement de leur mission burundienne à l'étranger. Ce sont les propos du ministre de la Communication. C'était lors de l'analyse du projet de loi portant modification de la loi régissant la presse au Burundi à la Chambre haute du Parlement ce jeudi. Le président du Sénat a demandé au ministre de la Communication de veiller sur le fonctionnement de certains médias qui ne respectent pas les conditions de travail de leur personnel. Les sénateurs ont quant à eux recommandé la mise en place d'une école de journalisme. Au reportage de Namia Ndaikeje. Devant les sénateurs, le ministre Serge Ndayiragije a montré l'importance de la carte de presse détenteur. Actuellement, le journaliste burundais ne possède pas la carte TEDOPRESS, ce qui n'est pas le même cas dans les autres pays. L'octroi de la carte TEDOPRESS pour les journalistes est une nécessité. Du côté des sénateurs, ces derniers ont voulu savoir à quand l'école du journalisme. Avant, il y avait une école de journalisme, c'est vrai. Mais il y a plusieurs années, qu'est-ce qui a manqué pour qu'il puisse y avoir une formation afin que ce secteur soit considéré? On nous a expliqué qu'une école de journalisme mérite d'être ouverte ici au Burundi. J'aimerais demander pourquoi les universités publiques et privées forment des étudiants et qui deviennent après des chômeurs. Avez-vous analysé ce qui est nécessaire pour organiser une formation pareille? Par à toutes ces inquiétudes, Serge Ndayiragije, ministre de la Communication, répond. La recommandation de 2007 exige l'Université du Burundi de mettre en place l'école du journalisme, mais actuellement, le journalisme burundais ne possède pas la carte de presse, ce qui n'est pas le même cas dans les autres pays. Donc, pour la carte de presse pour les journalistes est une nécessité. Le président du Sénat, Révérien Dikuriyo, a recommandé au ministre de la Communication de suivre de près le fonctionnement des médias qui, des fois, ne respectent pas leurs obligations. L'inspection du fonctionnement des médias pourrait être obligatoire pour être au courant des défis des journalistes qui ne reçoivent pas leur salaire régulièrement. C'est à vous de mettre la pression sur nous, les responsables des médias, afin de trouver une solution ensemble. Quelques radios peuvent passer 3 mois sans payer leurs journalistes. Comment peuvent-ils survivre? Cela peut pousser les journalistes à être corrompus. Ce projet de loi régissant la presse au Burundi a été adopté à l'unanimité. Radio Isanganiro, chronique environnement. Vous l'avez bien entendu, c'est la chronique environnement. Certaines espèces végétales sont en voie de disparition au Burundi. L'expert environnementaliste Frédéric Wangirimana affirme que c'est une grande perte pour le pays du moment que ces plantes servent habituellement de médicaments pour diverses maladies. Parmi ces espèces estimées à plus de 40 figure le Prinus africana, Umuremera, le Tetradinia riparia ou Umuravumba, ainsi que l'Oxyrus lacellata ou Umuviru. La chronique environnement de ce vendredi, c'est avec Léonce Vitaliho. Le Prinus africana ou Umuremera est un arbre de haute montagne avec une grande taille qui peut atteindre 50 mètres de hauteur et qui vit dans la forêt. Le Tetradinia riparia ou Umuravumba n'est pas grand ni gros. Les gens le plantaient sur le passage des vaches, près des enclos, ou l'utilisaient pour délimiter les champs de culture, notamment. L'Oxyrus lanceolata ou Umuviru, ou Umuvi pour certains, est quant à lui une plante qui croît avec de petites tiges. Il est vu dans les provinces du Nord essentiellement. Ces plantes sont hélas parmi celles en voie de disparition dans le pays, comme le renseigne l'environnementaliste Frédéric Wangirinama. Le Prinus africana Umuremera, c'est un arbre qui est connu, mais qui est en voie de disparition. Il y a une étude qui l'a montré et c'est même inscrit sur la liste des plantes vulnérables au niveau mondial. Pour Oxyrus lanceolata, Umuvi, c'est une plante qui a une croissance très lente, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un grand arbre. Tetradinia riparia, Umuravumba, on la trouve presque partout, mais actuellement elle est en disparition puisque au fur et à mesure qu'on a cultivé les endroits préférés comme les pentes, ça disparaît. Cet enseignant d'université fait également savoir que ces plantes sont pourtant source de plusieurs médicaments pour traiter différentes maladies. Le Prinus africana est utilisé comme vermifuge, également comme aphrodisiaque. Mais il est utilisé également pour soigner le cancer. Et nous avons également cette plante qui est utilisée depuis longtemps en Europe et qui est utilisée pour fabriquer les gélules et le Tetradinia riparia. C'est une plante qui est utilisée pour soigner les infections ou les affections thoraciques. les maux d'estomac, le paradisme, soulager aussi les maux de tête. Et l'oxyris, la ceolata, au moustiro. On peut utiliser cette plante en médecine pour traiter la diarrhée, pour traiter l'anémie, mais également pour traiter l'hépatite B. Selon encore Frédéric Evangelinama, ces plantes ou ces arbres sont à protéger, entre autres stratégies pour le cas du Prunus africana. Des études prévoient qu'il faudrait le domestiquer. Et on prend les graines, fait la germination en pépinière et finalement on distribue les plantules à la population riveraine de la forêt de Kibira. Vous avez également un projet de gestion durable de cet arbre au sein même de la forêt. Il y a une politique d'utilisation durable de cette plante qui est très nécessaire en médecine de façon qu'on sache à quel moment il faudrait exploiter la plante et comment il faudrait l'exploiter. On peut par exemple utiliser, comme on utilise l'écorce, prendre une partie et alterner au fur des années. Et comme ça, la plante survivra longtemps. Et si je parle de Tetradenia riparia, il faudrait également qu'on réinstaure la culture de la mettre sur les enclos ou bien à la limite des parcelles. Des études ont montré qu'elles sont, au nombre de 47, les plantes naturelles en voie de disparition au Burundi. Merci Léonce pour cette chronique et c'est par elle que nous terminons ce journal. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.